Ça vient du 91. Écoute ça, mon pote. 91. FK plus de classe. ADD. Qui sait? C'est les rats. Fout le bordel. Avec mes partenaires de bordel, on laisse la France hors d'elle. Ainsi que les bordels. Mes supporters, un cortège de panthères. Ici ça passe du pampers au vol à la portière. Combat pour Airbus, roule un speed d'air pur. J'mène une vie d'ordure, fais tout d'ordure. Dans mon holy kai, mec regarde, limite au jus de l'harmonica. Et d'autres me sucent comme Monica. J'nique la justice, quoi que le juge. J'ai un gazier tout j'dis, j'suis pas un voyou, moi justice. La haine envers Navarro et l'inspecteur Harry. Salope, ça vient de Paris, 91 secteur Harry. Marie et jeune, à la Marie-Jeanne, j'suis jamais à jeun. La vie c'est une chienne et mon fric n'a pas d'hygiène. Les mecs attendent des vautours, qui c'est RFK ADD. Un son de vautour qui traîne en bas de vautour. Ça vient du bitume, 91, tu prends la assise ou tu bifurques vers la nationale 7. Bretigny Long Beach, FK plus de classe, ADD qui sait. On brutalise le rap français, ça vient du bitume. 91, tu prends la assise ou tu bifurques vers la nationale 7. Bretigny Long Beach, FK plus de classe, ADD qui sait. On brutalise le rap français, FK plus de classe. Encore un feat avec tous ces types, merci, pas d'invite moi. J'arrive dramatique comme la mort, Malikou c'est qui? Salam alikoum, l'équipe, légion urbaine, tu demanderas plus c'est qui. Les kings, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Vouloir nous tester, c'est soit t'es fou, soit t'es con. Moi je suis cool, toi t'es fausse, une fois de plus, je viens choquer la France. Et pour Sarko, la délinquance vient de monter d'un cran. Et à la hausse, c'est tragique, on nous reproche de trop aimer la rue. Je leur reproche de trop aimer la ruse, un jour viendra où je leur dilaterai la nuit. Marianne, je te mettrai à nu. Je te briserai la nuit tellement tu hocheras la tête sur ma musique. FK plus de classe qui sert à DT sur ma musique. Ça vient du bitume, 91, tu prends la assise ou tu bifurques vers la nationale 7. Bretigny Long Beach, FK plus de classe, ADT qui sert. On brutalise le rap français, ça vient du bitume, 91, tu prends la assise ou tu bifurques vers la nationale 7. Bretigny Long Beach, FK plus de classe, ADT qui sert. On brutalise le rap français. Que je vais incarner, je suis trop fort, je décarne là. Je marque le but depuis le corner. J'étais rappeur même pas encore né. Chante pas du corneille, j'ai mis ton nom sur mon carnet. On soit mes sons comme des colis. Faut monter des colis, même l'été sur terre, j'ai décollé. Fuck les sales qui je veux pas partir sans gain. Ça, ça serait bête comme un boxeur sanguant. J'ai pas de majeur d'homme, saute haut comme Jordan. ADT, j'suis un escroc comme le père à Jordi. Comme avant, j'suis premier pas de nuance. Te baisse comme les nuits de noces, tu te montres qu'il y a mille noces. Moi j'suis mi-homme, mi-loup. Ta voix faux comme Milou. L'instru je l'édique ça comme Emile-Louis. Appelle-moi dictateur. Je te dis te taire au dictateur. Si tu fais le malin, gros je te dis ta terre. Ça vient du bitume, 91, tu prends la assise ou tu bifurques vers la nationale 7. Bretigny Long Beach, FK plus de classe, ADD qui sait. On brutalise le rap français. Ça vient du bitume, 91, tu prends la assise ou tu bifurques vers la nationale 7. Bretigny Long Beach, FK plus de classe, ADD qui sait. On brutalise le rap français. Yeah, on brutalise le rap français. Qui sert FK plus de classe, ADD, la CESA, GLC, Longchimo, Bretigny sur or. Alors salope, 91, on est là, c'est les rats, légion urbaine, 91.